Écoutez la chanson bien douce. Écoutez la chanson bien douce qui ne pleure que pour vous plaire. Elle est discrète, elle est légère, un frisson d'eau sur de la mousse. La voix vous fut connue et chère, mais à présent elle est voilée, comme une veuve désolée, pourtant comme elle, encore fière. Et dans les longs plis de son voile qui palpite aux brises d'automne, cache et montre au cœur qui s'étonne la vérité comme une étoile. Elle dit, l'avoir reconnue, que la bonté, c'est notre vie, que de la haine et de l'envie, rien ne reste, la mort venue. Elle parle aussi de la gloire d'être simple sans plus attendre, et de noces d'or, et du tendre bonheur d'une paix sans victoire. Accueillez la voix qui persiste dans son naïf épithalame. Allez, rien n'est meilleur à l'âme que de faire une âme moins triste. Elle est en peine et, de passage, l'âme qui souffre sans colère. Et comme sa morale est claire, écoutez la chanson bien sage.